Care amiche, cari amici, Maridia ai microfoni di Radio Alma, brussellando, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera, anche se solo brevemente. Ovviamente l'occasione mi è gradita perché tra qualche giorno festeggeremo il Natale, quindi mi faceva piacere salutarvi almeno in questa occasione. Quindi invio a tutti gli auguri di un sereno e felice Natale e soprattutto di un entusiasmante inizio del nuovo anno. Quindi vi saluto con, almeno per quest'anno, per il 2015, auspicando che il prossimo anno sia più regolare, almeno per quello che mi riguarda, con una PS, quindi con un'intervista a Sébastien Ministru, che era già stato nostro ospite nella precedente edizione di Bruxellando e che ritorna con una PS esilarante, pensate, scritta a 16 mani e non voglio aggiungere altro, jukebox, che continua ad essere messa in scena al teatro della Toison d'Or. Quindi non vi anticipo altro, sarà Sébastien che vi racconterà di che cosa si tratta. L'intervista ovviamente è in francese, ero molto emozionata, quindi qualche ruccio, non me ne vogliono i francofoni, purtroppo riascoltandolo è emerso. Comunque auguri di buon Natale a tutti, auguri di buon anno, Maridì vi saluta, ringrazio Daniem e ringrazio ovviamente Radio Alma. Buon Natale a tutti. Maridì, Radio Alma, Brussellando. Cari amiche e cari amici, quindi come annunciato in apertura di trasmissione, Brussellando è lieta di rincontrare un regista, ma non solo, perché fa tante cose, un attore, regista, Sébastien Ministru, che avevamo già intervistato qualche mese fa. E questa sera ritorna perché ci racconta una pièce teatrale che è stata già presentata al Teatro della Toison d'Or l'anno scorso, ma che ha ripreso, grazie al successo meritatissimo, nuovamente la mise en scène da qualche giorno. Sébastien, quindi, je te souhaite la bienvenue à Radio Alma, Bruxellando. Alors, moi, je suis tout d'abord curieuse de savoir quel est ton rôle dans cette pièce, Jukebox. Alors, mon rôle, il est un huitième de la pièce, puisque c'est une pièce qui a été écrite par 8 auteurs et donc par 16 mains et 8 cerveaux. La pièce, elle est construite comme un jeu, c'est-à-dire que nous étions 8 autour de la table et nous avions une contrainte de la part de la metteuse en scène, Nathalie Hufner, qui nous a dit, voilà, vous allez écrire une histoire à 8 et il y a 3 contraintes pour vous. La première contrainte, c'est que l'histoire se passe dans le métro. La deuxième contrainte, elle se passe dans le métro le 31 décembre et il faut que les gens soient bloqués dans le métro. Et troisième contrainte, il faut que vous introduisiez une chanson dans votre narration, d'où le titre Jukebox. Mm-hmm. Et donc, en fait, on était 8 autour de la table. Et en fait, on a tiré au sort notre numéro de passage d'écriture. C'est comme un grand cadavre exquis. Et donc, le premier a tiré le numéro 1. Et donc, c'était à lui à commencer l'histoire. Le deuxième a repris le début de l'histoire. Il l'a poursuivi. Le troisième a repris les 2 premiers épisodes. Il en a écrit un troisième. Et ainsi de suite jusqu'au tirage au sort qui a défini qui allait écrire la fin, ce qui n'est pas la meilleure place, évidemment. Ça, je peux le croire. Donc, vous avez raconté une histoire complète, avec un début, un milieu, une fin. Est-ce que vous communiquez entre vous quand vous écriviez la pièce ou c'était plutôt quelque chose d'indépendant l'un de l'autre? Non, on ne communiquait pas. C'était pas une contrainte, c'était une obligation. On ne pouvait pas communiquer entre nous. Donc, il y avait un chef de produit, on va dire, qui supervisait le chantier. Et on devait lui envoyer à chaque fois à lui notre contribution. Mmh. Et il recevait donc une contribution, 2 contributions, 3 contributions. Et à chaque fois, il repassait au suivant. Et on ne pouvait pas communiquer entre nous. Donc, on savait ce que le précédent avait écrit fatalement, puisqu'on devait poursuivre l'histoire. Mais les autres, on ne savait pas ce qu'ils allaient écrire. Donc, on ne savait pas du tout ce qui allait suivre. Donc, moi, j'ai été placé en troisième position. Mm-hmm. Et à partir de ma partie à moi, je n'ai plus su du tout comment l'histoire allait évoluer. À Alors, moi, je suis curieuse de savoir s'il y a eu des moments où l'écriture, en fait, s'est rencontrée. Donc, s'il y avait des points, plus de points en commun ou des points en désaccord entre vous et dans votre narration. Alors, c'est quand même 8 personnalités différentes avec 8 univers différents et 8 styles différents. Donc, la gageure et le pari, le défi, c'était de former quelque chose d'homogène et de cohérent avec ces 8 personnalités et ces 8 égaux aussi, parce que des auteurs, c'est aussi des égaux très puissants, très marqués, donc il fallait évidemment se faire un peu batailler. Et donc, ça n'a pas été une rencontre, c'était le but du jeu aussi, hein, on le savait avant de commencer. La rencontre n'a pas été fluide. Ça veut dire que à un moment donné, il a fallu, le chef de produit, comme on dit, a dû s'arrêter pour remettre un petit peu les choses en place, parce que, honnêtement, les auteurs, ils ne font qu'à leur tête. Et donc, ça partait à un moment donné dans tous les sens, et clairement, ça ne voulait plus rien dire. Mais on s'est amusé comme ça. Après, on a repris la pièce et on a restructuré, on a recoupé, on a remis les choses ensemble pour que l'histoire ait un début, un milieu et une fin, et pour qu'elle tienne debout, et pour que les gens, les spectateurs, s'amusent évidemment. Tout à fait, tout à fait. Alors, si j'ai bien compris, il y a aussi plusieurs personnages. Est-ce que le fait que vous étiez 8 à écrire avec, je pense, 7 personnages, ça a aidé à développer le caractère des personnages en soi, ou par contre, il y a eu quand même des contributions de chacun dans chaque personnage? Alors, on avait aussi dans le point de départ, dans la fiche technique, on va dire, on avait droit. Chacun a développé un personnage plus que les autres. Donc, on a tiré au sort aussi les comédiens pour qui on allait écrire le personnage. Mmh. Et puis, on devait, à partir de la biographie de notre personnage, on devait imaginer de les mixer avec les biographies des autres personnages. Mmh. Donc, on avait tous dû écrire la biographie de notre personnage qu'on avait donnée aux autres. Donc, on s'est retrouvés avec 7 biographie de personnages, et on pouvait utiliser des éléments qu'on avait à notre disposition pour développer un petit peu plus les autres aussi, parce qu'il ne s'agissait pas d'écrire seulement pour notre personnage, parce que sinon notre personnage parle tout seul et les autres se taisent. Il fallait écrire évidemment pour l'ensemble des personnages, et donc on s'est amusé aussi, et c'était très amusant ça, à reprendre des choses que les autres auteurs avaient inventé pour leurs personnages, et nous on les glissait à l'intérieur. Et alors à un moment donné, quand on glissait quelque chose, qu'on ouvrait une porte, c'est ça aussi le théâtre, hein. On ouvre une porte, ça veut dire qu'à un moment donné il faut la refermer, donc quand on ouvrait une porte, l'auteur suivant était obligé de rentrer dedans et se disait, mon Dieu, mais dans quelle situation ils m'ont mis. Oui, alors, je suis aussi curieuse de savoir les chansons, parce que si je comprends bien, il y a aussi un rôle important joué par les chansons. Oui, parce que l'idée, c'était de faire un spectacle de fête de fin d'année, donc que ce soit festif, amusant, divertissant, et donc il y a des petites chorégraphies et de la musique, donc chaque fois, l'épisode d'un auteur est ponctué par une chanson qu'on devait donc introduire, et c'était pour rendre le spectacle plus festif et plus réveillon et plus pétillant. Et donc, à chaque fois, chaque auteur a introduit une chanson, et personnellement, moi, j'ai dans mon épisode introduit une chanson, une vieille chanson des années 60 de Petula Clark qui s'appelle « La nuit n'en finit plus ». Et à un moment donné, donc, on entend cette chanson dans l'histoire, et les personnages s'arrêtent de raconter l'histoire. Et ils chantent la chanson et ils font une chorégraphie autour de la chanson, ce qui fait que tout le spectacle est comme ça rythmé par des moments de chorégraphie et de petites folies glamour. Est-ce qu'on peut rappeler qui sont les auteurs qui ont contribué à écrire cette pièce? Bien sûr, c'est très important, puisque comme je le disais en commençant, je ne suis pas seul, je ne suis qu'à 8e de la pièce. Avec moi, il y a Myriam Leroy, il y a Alex Vizorek, Delphine Isaïe, Riton Liebman, Dominique Breda, qui a été, lui, donc, le chef de produit, le chef du chantier. Il y a Laurence Bibeau. Et pour terminer, parce que c'est elle qui a eu la lourde tâche de terminer, de finir l'histoire, parce qu'elle a tiré au sort le dernier épisode, c'est Marie-Paul Kumpf, et elle avait vraiment le sale boulot, c'était elle qui devait le faire, parce qu'elle devait terminer en beauté cette histoire. Et vraiment, je ne vous raconte pas ce qui se passe, parce qu'il y a plein de rebondissements, et je ne vous raconte pas la fin, mais elle s'en est très très bien sortie. Alors, très brièvement, sur les acteurs qui ont participé à la pièce, qui participent, étant donné que la pièce se déroule jusqu'en janvier encore. Alors, les acteurs, eux, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fatalement, puisqu'il y a 7 comédies, il y a 7 personnages. Il y a Julie Duroisin, il y a Stéphane Fenocchi, il y a Emmanuel Mathieu, il y a Aurelio Mergola, il y a Christelle Pedrinelli, il y a Bwanga Pilipili et Pierre Pousset. Et ils ont fait un travail assez formidable parce que ils n'ont pas lu la pièce avant non plus. Mmh. Et donc, ils se sont engagés un petit peu les yeux fermés en disant, OK, c'est un challenge pour nous. On ne sait pas ce que vous allez nous raconter. On ne sait pas ce qu'on va devoir jouer, mais on le fait. Et donc, au fur et à mesure, ils n'ont pas lu. Hein, au fur et à mesure, ils ont lu à la fin et ils ont été très, très étonnés parce qu'au début, on leur a dit, ben voilà, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous serez dans le métro bruxellois, vous allez à un réveillon et vous allez être bloqué pendant toute la nuit dans ce métro, mais vous ne savez pas ce qui va arriver. Et quand ils ont lu la pièce, ils se sont dit, on va devoir jouer tout ça. Donc c'est un travail très très important qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas du tout été conditionnés, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient jouer, ils ne voyaient pas quel était leur personnage. Et ils ont dû découvrir un petit peu comme une surprise leur rôle et l'histoire en même temps. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment très drôle pendant les épreuves du spectacle, avant en fait d'aller en scène? Est-ce qu'il y a un moment qui tu pourrais nous raconter? Quel moment on je pourrais... Ah, je ne sais pas, un moment en particulier, n'importe lequel, hein. Mais il y a eu un moment quand même où quand on s'est retrouvés tous ensemble, quand la pièce a été finie, il y a eu un moment où les acteurs et les auteurs se sont retrouvés en disant « Mais qu'est-ce que vous nous avez fait jouer ?» Et donc ils étaient vraiment... C'était à un moment donné, c'était drôle évidemment parce qu'ils riaient beaucoup, parce qu'on leur avait fait des personnages très, très excentriques et très... surnaturel même, parce qu'il y a un moment donné, il y a quand même un personnage qui prétend lire l'avenir dans du poisson pourri, vous voyez, donc c'est un petit peu surnaturel et tout. Et donc, il y a eu ce moment où on a beaucoup ri avec les comédiens à cause de cette collusion entre leur personnage et l'histoire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le moment est devenu un peu moins drôle et un petit peu plus... préoccupant parce que ils ont été perdus, ils savaient plus ce qu'ils devaient raconter. Et donc là, on a repris les choses en main et on a moins rigolé, on a beaucoup plus travaillé le fond de l'histoire et le sens de l'histoire. Qu'est-ce qu'on voulait raconter? Où est-ce qu'on voulait emmener le spectateur? Et jusqu'où on voulait l'emmener? Et ça, c'est un travail évidemment de fond avec les comédiens. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous êtes, donc vous êtes en train aussi de travailler à d'autres choses pour 2016? Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur alors, moi, personnellement, je fais une petite pause parce que j'ai beaucoup écrit ces dernières années avec Ciao Ciao Bambino, qui était une pièce qui était vraiment très, très, très, très personnelle puisqu'elle racontait mes souvenirs d'enfance dans la communauté italo-belge. J'ai écrit donc Jukebox avec mes amis, puis j'ai écrit ici Rire Please, qui était une comédie spéciale pour les 20 ans du TTO. Pour 2016, on va encore reprendre pour la 9e année consécutive Cendrillon se macho, parce que c'est une pièce qui marche toujours, cette version un peu excentrique et un peu gay que j'ai écrit du conte de Cendrillon. Et on va encore jouer pendant cette saison-ci, en 2016, on va encore faire une série de Cendrillon. Et donc je vais un petit peu me calmer et voir un petit peu comment on peut faire évoluer les choses, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, se poser un petit peu, voilà, et ralentir un petit peu le mouvement. Ça, ce sera Sébastien, donc on te remercie. Donc continuo in italiano ricordando ai nostri amici che sarà possibile partecipare a Jukebox fino al prossimo 9 gennaio presso il teatro della Toison d'Or, come sapete ad XL, e potete scrivere se volete a info@ttoteatro.be oppure telefonare allo 02 510 0510. Sébastien, noi ti ringraziamo e on espère quand même à la prochaine fois. Alla prossima, un abbraccio. Un abbraccio, ciao.